Oui, ça a brassé à l'étage où t'as la salle du conseil municipal. Mais en bas, il y en avait quelques-uns, des babouins agressifs bon, là, aussi qui étaient défoncés, là, pas juste aux idées politiques, là. Il y en avait beaucoup.